Il faudrait le perdre, le temps de trouver cet être aimant. Mais où sont les terres en lisant nos pieds pesés de pierre en pêchant? Nos corps de partir un instant, nos prières hâtives s'étendent, envolées le soir en pleurant, évaporer le noir nous grisant. Oh, oh, oh, oh. Mais où sont donc passés les sages qui nous attendaient avant, lorsque leurs songes et les nuages guidaient nos pas vers une vie simple, prendre le temps. Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, cette masse sombre éclaire la vie. Les rêves les plus chers, le rire. Accabler les masses en serrant les poings liés, la rage en criant. Mais où sont donc passés les sages qui nous attendaient avant, lorsque leurs songes et les nuages guidaient nos pas vers une vie simple, prendre le temps. Non, non, non, non, non, non, non, non. No, no, no, no, no, no, no, no. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, quel est donc ce rêve facile? Est-ce alors une trêve, un asile? Déposons les âmes pour un temps, riez face au vacarme